Ghost. Ah, mon père me l'avait dit, il faut tuer ou mourir. Ah, je l'ai tué. J'ai bien tué, mais pas assez. Et maintenant, la terre est un enfer grouillant de bicons. Je les laisse tout bousiller et s'entretuer. J'aurai trouvé cette planète et quand j'aurai bâti de mes mains un nouveau pays pour les blancs, alors le soir sur la terrasse je goûterai face au ciel plein d'étoiles un repos bien mérité entouré de ma famille. Et je montrerai à mes enfants dans le ciel la terre. Et je leur apprendrai à regarder dans le télescope, à observer pour leur amusement et pour leur instruction les bicots et les négros en train de s'entretuer et de tout bousiller sur la terre. Et face au ciel plein d'étoiles, face au clair de terre, je ferai jurer à mes enfants le serment suivant.